Dialogue. Qu'est-ce que tu cherches? Écoutez. Qu'est-ce que tu cherches, Jacques? Je cherche mon livre de géographie. Où est-il donc? Il est peut-être à l'école ou chez Marie. Je te donne mon livre jusqu'à demain. Tu es très gentil. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? J'ai tout un livre à lire avec Françoise. Par un si beau temps, tu es fou. Et toi, que fais-tu? Je vais à la fac. J'ai un rendez-vous avec Marie. Bonne idée. À bientôt. Salut. Répétez. Qu'est-ce que tu cherches, Jacques? Je cherche mon livre de géographie. Où est-il donc? Il est peut-être à l'école ou chez Marie. Je te donne mon livre jusqu'à demain. Tu es très gentil. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? J'ai tout un livre à lire avec Françoise. Par un si beau temps, tu es fou. Et toi, que fais-tu? Je vais à la fac. J'ai un rendez-vous avec Marie. Bonne idée. À bientôt. Salut.